affreux à la faux avant d'étouffer sous la crasse. Tu triches, j'en suis accro, faut que ce soin était bien en place. De façon efficace, on efface tout ce qui dépasse, tout ce qui se déplace. Sors dérangé par tout ce qui se passe, je suis dérangé. Par tout ce qui se passe, je suis dérangé. C'est du propre qu'il nous faut. Faut pas que ça déborde trop. Trop de saleté, trop de défauts. Votre IVC, ça sonne faux. C'est du propre qu'il nous faut. Que tout doit être parfaitement lisse. Donc j'essaie de penser, de serrer la vis. Pour tester la vis, c'est ma devise, c'est mon habit de masquer les vis. C'est du propre qu'il nous faut. Faut pas que ça déborde trop. Trop de saleté, trop de défauts. Votre IVC, ça sonne faux. C'est du propre qu'il nous faut. Bien en place, de façon efficace. Maintenir des cons en forme, car le fond, faut mater la forme par le confort. Et que ça saute de l'humain fort et sans faute formaton. Et que ça sorte comme le format dans un photomaton. Pas trop de café, concert, fermé car sa nuit ça m'ennuie. La musique c'est du bruit, la nuit elle me suit dans mon lit. Quand je suis enfermé à huis clos chez moi. Mais n'allez pas croire que quelque chose cloche chez moi. J'ai pas une vie de danger, vite se retrouver avec une vie vide. Quand je l'ai vide danger, je préfère semer la façon sans raison et chip.